riche, c'est profond, un sondage. Oh, alléluia, et l'amour vivant, cet amour, amour, présente, c'est riche, c'est riche, c'est profond, et sondage. Alléluia, et l'amour vivant, amour, amour, présent, oui, pour moi, India, notre Père Céleste, nous nous approchons maintenant de ton trône de grâce, trône de sainteté, de domination éternelle et universelle, le trône du royaume de Dieu, royaume inébranlable, que nous recevons par la foi et dans la puissance invincible du Dieu vivant. Que ton nom soit élevé, qu'il soit sanctifié, qu'il soit béni, qu'il soit adoré, qu'il soit servi par tous les rachetés. Que ce nom nous bénisse, nous fortifie, nous guérisse, nous pardonne, nous sauve, nous délivre de toute angoisse, de toute situation délicate. Répands le parfum de ton nom sur cette communauté pour que chacun reçoive la sainteté qui vient de Dieu, le salut qui vient de Dieu, la délivrance qui vient de Dieu, le secours qui vient de Dieu, le pardon des péchés et la paix. Sois notre liberté la plus totale. Envoie l'évangile maintenant pour édifier notre foi et nous fortifier. Conduis chaque âme. Garde-la sous le sang de Jésus-Christ le Rédempteur. Et parle à chacun. Et exauce chacun de nous. Toutes les prières adressées par la foi qu'elle trouve réponse au Père. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Nous allons lire la Sainte Parole de Dieu maintenant. Ici, dans la Sainte Bible. Malachi, chapitre 3. Malachi, au capot, ici, dans l'Ancien Testament, verset 18. Mulongo, Zomi, Mwambe. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Bokozong a peu koso sur la kati na moyenne beni, pe motomabe. Kati na ye oyo akosale la kanzambe, mpe ye oyo akosale la kanzambe te. 1 Jean chapitre 4. Yohana ilbosum kapwena yi. Verset 1er. Mulongo ya yambu. Bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Balingam, bon Dieu, mais limo non sauté, kasi bon mais kamilimo, sauf comme outil nanzambe. Poete basokoli na lokuta mingi, basili komima kati na mokili. Apocalypse chapitre 2. Nous prenons le verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Que veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous souhaitons à tous et à chacun de vous la bienvenue ici à la table du Seigneur. Voulant que l'âme de chacun soit nourrie. Qu'elle soit éclairée, qu'elle soit édifiée, qu'elle fasse des progrès. À tous égards, ce sont nos voeux les plus sincères. Il ne peut y avoir des maladies, des faiblesses dans les corps. Mais nous savons que le soutien de Dieu est une réalité. Chacun de nous est ce qu'il est par la grâce de Dieu. Et encore sous ce soleil parce que Dieu veut que tu vives. Et Dieu t'aime. Ça, je le sais. Alors, nous avions posé une question mercredi vers la fin de la prédication. Et c'était en accord avec les recherches d'un précieux frère. C'était une affaire personnelle qu'il a fouillée. Et il a trouvé une prédication, une vieille prédication. Et cela l'a mis en connexion. En nouvelle connexion avec ce que nous sommes en train d'exprimer. En 2008. Alors là, c'était les critères d'identification d'un vrai ministère de la parole. Et parce que personne n'avait répondu. J'avais dit devoirs à domicile. Qui ont fait ces devoirs? Un droit. Lèvement fait pour ça le magabon. Nous annonçons que Jésus va venir et voilà, un droit. Je peux avoir la réponse? Que comment on a et non? Vous êtes tous témoins, hein? Vous avez écrit? Comment? Vous avez consulté vos notes. Vos notes. Ah, voilà. Donc c'est que ces notes n'étaient pas prises très fidèlement. Donc il a retenu l'idée générale. Il y avait que cette idée générale, c'est un à peu près. Je demandais à mon précieux frère Jean, voici un prédicateur. Il dit qu'il est prédicateur. Dis-moi s'il est un vrai ou un faux. Et alors, s'il va appliquer les critères juste tel qu'il est dit là, il y a risque qu'il tape à côté. Parce que déjà, si les critères ne sont pas correctement utilisés, Dieu dit que la balance fausse est en horreur à l'éternel. La balance doit être juste. La balance doit être correcte. La balance doit être vraie. En termes de fidélité, Na, oye, tali, Le critère, ce n'est pas juste fidélité tout court, mais fidélité absolue. Parce que ça peut être fidélité absolue au guide. Et dans un moment donné dans le mouboutisme, fidélité, il y avait un slogan. Certains sonnaient un peu plus tard. Mais nous y avons connu Mobutu. Il y avait un slogan. À l'époque de Maréchal Mobutu, Kokumwendo Wazabanga, Maréchal. Le roi de Zaïre. Il y avait un slogan. Ça disait quoi? Fidélité au guide. Au guide. Quand on balançait les gens de la Mopap. Quand il balançait ce slogan-là, tout le monde répondait au guide, et le guide c'était le chef de l'État. Il ne pouvait être qu'un seul. Parti beau, moko. Écolo beau, moko. Mokonzi beau, moko. Oh, on a été moulu un peu comme ça là. Formaté, n'est pas trop rêvé, mais il faut seulement se soumettre. Vous voyez, c'était comme ça. Alors, quand on parle de fidélité, ça peut aussi devenir la fidélité au guide. Vous allez appliquer ça à un prédicateur de l'évangile, vous trouverez nécessairement une réponse fausse. Même quand vous allez dire, il est un vrai. À partir de fidélité au guide, voyez ça, à ce moment-là, en disant qu'il est vrai, en utilisant comme critère la fidélité au guide, votre réponse est fausse. Donc, vous aurez trouvé un faux vrai ministre. Vous aurez trouvé un faux vrai ministre. Mais pour être un vrai ministre. C'est la même chose avec ceux qui prennent la fidélité absolue à Krefeld. Fidélité à la connexion. Chaque mois, on doit mettre la connexion. On met la connexion, prédication de Père Franck en direct. Et qui font ça sur les vierges et sages. En Afrique, un vrai militaire, vous aurez découvert de faux vrais vierges et sages. Donc, ce sont des fausses vierges, mais qui par un faux critère sont devenues de vraies vierges. Et vous voyez aussi des faux ministres, mais par un faux critère de la connexion Internet. Nous devons mettre la connexion de Frère Franck. Quand il est très chiant, le fil de l'idée du mot, le salaire doit être connecté. Maintenant, ceux qui n'ont pas l'Internet, ceux qui sont dans les stages, ceux qui n'ont pas le téléphone, ils ne sont pas les dieux. Voilà les mensonges. Mettez ça dehors, frère. Ce sont les esprits des démons qui peuvent inventer des doctrines. Référez à la parole. Et la fidélité, ça a aidé mon frère. Bon, je vois les bons doigts. Ah, frère, je vais vous en aller. Dites maintenant, fidélité, c'est comment? Il y a du sang. Ah, il a encore sauté un mot. C'est pas la fidélité en général. Et la libre faire. Le critère doit être juste, mais ça. La balance force est à mourir à l'éternité. Et le critère, moi, je suis dans ma douce, mais pourquoi conclure quand ma bé? La fidélité, c'est fidélité absolue à la parole de Dieu. Voilà ce que le président de Mobimba n'a l'imba n'entendé. Il se souvient bien. Amen. Et vous vous rappelez aussi? Vous avez compris ça? Ah! Colombo la mort, mon gars, c'est que le bon immense est comme une balance fausse. Pester, Nayo, et Ziki. Donc, les gens sont sous les bateaux de la moitié. Donc, et Sengeli, et le bon élève, les Sikanamo. Fidélité. Absolue. Hein? Une fidélité autorité. Le Seigneur présent, il y a des colons. À la parole. Alléluia. À la parole de Dieu. Alléluia. Hein? Pas la parole de Kimangu, à la parole d'un prophète, à la parole d'un prédicateur, à la parole d'un pasteur, fidélité absolue à la parole de Dieu, à ce que Dieu lui-même a dit. Ok. Deuxième critère. Toujours lui. Maintenant on va corriger les détails. C'est perverti. Et bah, mes chers amis, bah, vous voyez que le frère de ministère, comment il trouve un ministère? De quoi il est en dans les affaires près. Donc, vous pouvez dire que vous êtes en répète encore, frère Jean? Non. L'exercice du ministère dans la puissance de Dieu. Nakati y a un pour démontrer la parole parlée et écrite de Dieu. Na le commandement y a entendu. C'est ça la balance. C'est ça que Dieu nous apprend. Et c'est ce que nous devons appliquer. Pas intervertir l'ordre. Parce qu'en changeant l'ordre des mots, la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu exprimée. Et il faut garder la pensée originale. Tant que l'être déformé, vous tombez dans le terrain de l'ennemi. Qui échange un peu quelque chose pour conclure à autre chose. Ok. On était là. Hein? Je mets ici un. Je mets ensuite deux. Les critères hein, à utiliser. Les testeurs de la parole. Nous avons déjà dit que pour éprouver un ministère, le seul moyen c'est l'épreuve de la parole. Mais épreuve de la parole, vous savez la monnaie. Il faut saler la monnaie parole et tandis que vous salez la monnaie. Tu ne vas pas commencer à dire que tout ce qui est parole, vous prenez les éléments tels que la parole vous enseigne. Et d'après la parole, les critères sont là. Critères, testeurs. On est là. Un. Voilà. Deux. Je laisse vide. Trois. Je mets fidélité. Absolue. À la parole. La liloba. Du cardinal. Non. Oh le cardinal, tata cardinal, kotala e kakaboye, maka mosale azambi. Zokande cardinal ango kotali boazele mosale azambi. Bengasi alati mokolo ya pasaka. Apeki e kotiwana, apeki na sultane na ba militikolo, otali kakaboye, moto ya azambi ye wana. C'est pas ça. Et ça dit bon côté. Tome maye awa. Est-il absolument fidèle à la parole de Dieu? Azali pene sembo na mopimba dali lobana azambi. Testez-moi ce monsieur-là. Mon mec, là, ne regardez pas ses habits, ni ses éclats. Est-ce qu'il est fidèlement, il est absolument fidèle à la parole de Dieu? Il y a seul à mon bimba, sembo, et le bananda, à tous ces gars, sinon, ce qui était out. Dimanda. Dieu a dit, vous verrez de nouveau la différence. Amen. La parole doit vous donner la matière pour faire cette différence. Entre celui qui sert de Dieu et celui qui ne le sert pas. Je mets 4 l'exercice du ministère. Exercice du ministère dans la puissance de Dieu. Le ministère dans le Nouveau Testament, ça ne vient pas en parole seulement. Le discours. Dans la puissance de Dieu. Mais pas seulement puissance, miracle, ici. n'arrête pas là. Parce que le faux prophète et le faux Christ ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire. Mais la balance continue. Et le processus du ministère par la puissance de Dieu pour démontrer des miracles et des signes rattachés à la parole. Pour démontrer la parole. Parler et écrite de Dieu. Na oye komani benzambe. Quel espère? Mais ebekelonim. Utilisez aussi cet espère. Vous savez la paix ebekelongo. Oh, ce espère là. Donc ebekelongo. Vous n'allez pas l'appliquer juste à quelqu'un qui vient à peine de vous dire Dieu vient de m'appeler au ministère et il vous donne son expérience. Donc vous savez la moitié de vous toi, vous savez la moitié de ça, mais aussi comment faire à chaque fois ça. Et vous savez aussi. Vous voyez, vous devez contrôler la personne dans l'exercice du ministère. Pas avant l'exercice. Parce qu'avant l'exercice, j'ai mis un là-bas. J'ai mis deux. Nous sommes encore là pour ça ce matin. Le fruit, Mouma, porter le fruit, comme un Mouma, qui demeure, vous allez comme là, du ministère, dans le tomo, récit de Dieu, Oyo, et aussi dans la table, récit de Dieu, et aussi. Et Yamami Nanzambe. Voilà. Et yo. À cette étape 4 ici, l'exercice du ministère dans la puissance. Na kati yamouya Nanzambe. Nous pouvons mettre en garde contre le faux signe, le faux miracle, les miracles mensongers. Il n'y a pas de faux sans qu'au départ on ait du vrai. Les vrais miracles, les vrais miracles, les vrais miracles, existent. Et l'église de Dieu y a droit. Et c'est là que nous devons avoir ça parce pas seulement mettre en garde. Attention, on n'a rien. Produisons les frères. Pour faire taire le procès. Exercice du ministère dans la puissance de Dieu. Mais c'est pour démontrer la parole parlée. Vous savez que la parole parlée, c'est le message de notre temps. C'est la parole de l'heure dans laquelle vous êtes. L'enseignement de Dieu pour la saison dans laquelle vous vivez. La parole que le Seigneur a confirmée lui-même pour le poste dans lequel vous vivez. Vous voyez quand même ça, tous les déterminations sont déjà dehors. Vous ne pouvez pas aller chercher un vrai ministre là-bas. Parce qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Dieu a son plan pour chacun, pour chacun. Il a son plan déjà écrit. Et autant marqué, il a accompli les promesses précises pour chacun. Ceux qui font leurs affaires, leur business ecclésiastique, ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Mais maintenant, c'est entre nous ici. Il faut encore accentuer les tests. Lundi, il est du message. L'autre, il est aussi du message. L'un s'élève, c'est Moïse. L'autre s'élève, il est Balaam. Quand on parle devant Dieu, on présente le même sacrifice. aussi fondamentaliste que possible. Et quand on veut tenir le culte, on chante les mêmes cantiques. Mais pourtant, Balaam était faux. Et Moïse était vrai. Monstre avec le sol. Faites la différence. Voyez la différence entre les deux. L'exercice du ministère de la puissance de Dieu. Pour démontrer. Non seulement la parole parlée. Mais aussi la parole écrite de Dieu. Une continuité parfaite dans la parole. Une harmonie parfaite dans la parole. La parole qui est écrite et le message prêché doivent dire exactement la même chose. Ça, c'est le rôle d'un ministère. Quand vous n'en avez pas, laissez-moi vous dire, mon cher ami, amen. On voyait pas là. Pour arriver à faire ça, il faut un vrai ministère. Quand il y en a, on kotoka et puis on kokima. Quand on fait kokima là. Mais on va dire, oh non, parce qu'on va compliquer, parce qu'on va dire, bah l'ensemble va compliquer. La parole les a enseignés, ils ne comment faire le test. Bah, il y a des ennemis comme des cas. Comment éprouver les esprits? Comment éprouver les ministères? Mais comment éprouver les gens? Comment le faire? Bah, il y a des ennemis. Les croyants de France ont eu affaire. Vous souvenez vendredi? Il y a éprouvé ceux qui se disent apôtres. On est qui? Bah, il y a des ennemis comme des apôtres. Ils sont venus avec l'identité d'apôtre. Ils se font recevoir auprès de l'église comme des apôtres. N'est pas apôtre qui veut. N'est pas apôtre qui veut. Kasi. Moutounion Falingi Gintoma à cause de la tomate. Amen. C'est Dieu qui donne la qualification. C'est Dieu qui définit le ministère. C'est Dieu seul qui établit le ministère. Et ils sont venus, ils n'ont pas présenté l'appel de l'apôtre. Mais ils sont venus là-bas en présentant l'identité. Nous sommes les apôtres. Apôtres, ok. Serviteur de Dieu. Avant d'aller demander à faire les tous son nom. Il est donc donné la chair. Mais Baba n'a voté à vous. Ce que eux disaient, et la parole qui était écrite, c'est ce que eux disaient, et ce que le messager de l'âge avait prêché opposition. Alors Frère Branham dit, ces chrétiens-là, des braves chrétiens, ils ont regardé ces individus-là droit dans les yeux. Pour leur dire que vous ne dites pas ce que paradis. Vous ne prêchez pas le même message. Par conséquent, vous êtes des faux. Parce que vous apportez votre propre parole. C'est-à-dire, ce critère ici a été utilisé après pour tester ceux qui exerçaient le ministère, soi-disant apôtres. Et par ce critère, on a déniché le faussaire. Et par ce critère, vous devez aussi vous, les croyants historiques, être capable de détecter le faussaire. Non, il ne faut pas amener des histoires comme ça, là où la parole vous donne des vrais critères. Soyez corrects et fidèles. Hein? Alors le cinquième ici, c'est porter le fruit qui demeure. Le fruit qui demeure, c'est que tout ministère doit amener les âmes au baptême du Saint-Esprit. Et pour ça aussi, il faut qu'il ait exercé, non? Pas, il reçoit l'appel et la semaine. Ayambi, Mela, non, toi, tu viens avec le cinquième critère. Yeah. Tu vas les amener combien les gens au baptême du Saint-Esprit? Oh, mais bon, Mais il a mon pas de il reçoit l'appel. Le mariage, moi je viens le samedi avec le respect numéro 7. Frère, tu vas les amener combien? Alors, si tu n'as pas de non, frère, mettez chaque critère au bon moment. Et c'est le cohérent. Le critère ici. Fidélité absolue à la parole, ça peut être l'intermédiaire, hein? Même pendant qu'il vous dit qu'il a, il a un appel, mais vous pouvez parler avec la personne et sentir déjà si en lui réside la caractéristique de la fidélité absolue à la parole. Même s'il n'a pas encore exercé. Une nature déjà prédisposée. Parce que l'Écriture veut dire dans 2 Corinthiens 13, oui, que nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Oui. Donc ce critère de fidélité, on peut le tester à tout moment. Pendant l'exercice, ou avant l'exercice. Ici dans 1 Corinthiens 4, vous trouvez au verset 6 que la Bible dit. Oh, 1 Corinthiens chapitre 4. Bon, d'abord le verset 2. Du reste, ce qu'on demande du dispensateur, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Alors, la lise bien. Bakolukaka epayi na mobateli ete amonana motorasembo. Ah, chacun doit être trouvé fidèle. Verset 6. C'est à cause de vous, frère, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Voilà la fidélité absolue à la parole. Ne jamais aller au-delà de ce qui est écrit. Ne restez que dans ce que Dieu a écrit. Et que même l'Église et le fidèle doivent apprendre la même chose. Et ceux qui les apprennent, leur vient des ministres de la parole. Ils ne doivent pas être des gens à franchir les limites de la parole, dans les histoires des voyants. Ils doivent rester dans la parole que Dieu a déjà écrite. Voyez là. Et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Quand vous avez affaire à des premiers ministres, ne soyez pas orgueilleux. Donc, vous avez à l'égard de ce ministre ici, au détriment de l'autre, mais tous ce sont des ministres que Dieu a envoyés. Ne vous vantez pas plus de l'un que de l'autre. C'est le Dieu de diversité des ministères qui les a mandatés et établis. Ayez de la considération pour eux. Êtes-vous là? Amen. Fidélité absolue. Parole écrite ici. Que personne n'aille au-delà. Que personne n'ajoute quoi que ce soit. Que personne ne retranche quoi que ce soit. La fidélité absolue veut dire ne garder que ce que Dieu a déjà confirmé. Ne répétez que cela. Ça, c'est la tâche. Et des fidèles dans la maison de Dieu. Nous sommes d'accord. Je vais reculer un peu. Maintenant, le premier critère testeur, c'est quoi? Parce que Dieu n'envoie qu'un témoin qualifié. C'est l'expérience. Surnaturel. Voilà. Il ne s'agit pas de rêve. Hein? Du baptême du Saint-Esprit. Et le ministère se trouve dans le corps de Christ. Et la semence de tout homme vient à travers son corps. Et la semence de Christ ne peut venir, ne peut être transmise qu'à travers le corps de Christ. À travers les membres du corps de Christ. Quand on n'est pas membre du corps de Christ, on ne peut pas exercer un ministère dans l'église de Dieu. Êtes-vous là? Et l'autre ici? Voilà. De l'expérience surnaturelle. Et Zali, Libi qui. Encore, il ne s'agit pas de rêverie. Et Zali, dans notre côté. Surnaturel. Libi qui a un kilomètre. De quoi? De l'appel divin. Yambela Nandambe. Au ministère de la parole. Elle n'a le tomo, elle est le bas. Au ministère de la parole. Na, le tomo, elle est le bas. Et notre message nous enseigne. Ces hommes d'affaires du plein évangile, ils ne comprennent pas l'approche des ministères. Parce que le ministère est un don qui dépend d'un appel de Dieu. Donc avant même de parler du ministère, voyons d'abord l'appel. Et avant d'examiner l'appel, voyons d'abord l'expérience du baptême du Saint-Esprit qui fait appartenir la personne au corps de Christ. Et parce que Dieu n'est pas un magicien. Dieu est très juste dans ces choses. Croyez-moi. Dieu est très juste dans ses affaires. Je vais vous lire un peu d'abord dans la prédication. La foi éprouvée au fil du temps. Prêché le 30 mai 1950. Je prends le paragraphe 9, 4e partie. Plutôt 4e partie. Et le paragraphe 9. Paragraphe 29, 4e partie de ce paragraphe. Frères et sœurs, il y a un jour un lieu secret. Que chaque croyant doit fréquenter. Derrière le désert. Là sur ce sable sacré. Oh, aucun docteur en théologie. Aucun savant du grec ou de l'hébreu, aucune école ni séminaire, on peut vous entortiller entièrement dans tout ce genre de choses. Mais si vous avez déjà rencontré Dieu sur ce sable sacré, Satan ne peut pas mettre ses pieds sur ses sables. Satan a fait que ça m'a tombé dans le côté. Baptême du Saint-Esprit véritable. Satan ne peut pas y arriver. Aucun démon ne peut y arriver. Satan ne peut pas y arriver. Croyez-vous? Vous êtes sûr que vous avez rencontré Dieu. On dit mis en tête pour couper une entente. Quelque chose de réel. Et là, comment quoi le sol au sol? Que texte? Vous avez parlé à Dieu vous-même. Vous avez fait une expérience. Est-ce que vous suivez attentivement les termes utilisés? Il ne s'agit pas de venir nous raconter des histoires, des rêveries. Vous avez parlé à Dieu. Et vous avez fait une expérience sur ce sable sacré disait. Aucun homme n'a le droit de se tenir à la chaise pour prêcher l'évangile s'il n'a pas fait l'expérience de derrière le désert. L'expérience dont il est question ici. Avant même d'arriver à la chair, demandez pour moi la chair là-bas. Vérifions d'abord l'expérience du désert, du lieu sacré. Nous maintenant nous dit qui on est sommé. Ah, parler à Dieu. Dieu t'a-t-il donné cette expérience? Oui ou non? Tu as cher n'est pas élu des blagues. Et pour la mise en scène, de se faire voir, et c'est un trône de Dieu, c'est un lieu sacré où la parole doit être proclamée par des canaux qualifiés, et j'allais dire que la boule n'est pas ouverte, mais elle n'est pas maintenant en terreur, par des instruments choisis par Dieu. Dans les lieux, pour les mises en scène, êtes-vous là? Vous allez voir, aucun homme, nous sommes à côté. N'a le droit de se tenir à la chair. Pour prêcher l'évangile. Il n'a pas fait l'expérience de derrière le désert. Aucun homme. Personne n'a le droit de se tenir chrétien. Tant qu'il n'a pas fait l'expérience de derrière le désert. C'est toujours derrière le désert. Nous appelons cela la chambre haute. Est-ce que vous suivez? Nous appelons cela la chambre haute. Mais c'est malgré tout derrière le désert. C'est là que vous rencontrez Dieu. Quelle est cette expérience derrière le désert dont le message parle ici? Oui. Très bien. Il ne s'agit pas ici de l'appel au ministère. Il faut bien suivre la parole et prendre les éléments par rapport à la Bible. Et c'est que la ça aussi la chambre haute. Mais la Bible, c'est la Bible, la Bible, à la parole au ministère ou au baptême du Saint-Esprit à la Pentecôte. C'est l'expérience qui remplit ça, je parle par le Saint-Esprit de Dieu. C'est là où ils étaient enfermés dans la chambre haute. C'est cette expérience que chacun de nous doit avoir. Non seulement celui qui veut devenir prédicateur, si on pouvait le vouloir, si on pouvait le vouloir. Mais on n'a pas à le vouloir. Donc le nom nous dit que celui qui veut le faire, c'est celui que Dieu n'a pas appelé. Laissez-moi vous dire que cette vérité ne changera jamais. Ni à cause des personnes que nous apprécions, ni à cause des personnes avec lesquelles nous collaborons, la vérité de Dieu demeure éternellement. Vous trouvez quelqu'un qui veut faire ça, la parole vous dit que c'est la preuve que Dieu ne l'a pas fait. Mais d'habitude, celui que Dieu appelle n'aime pas le faire. Et c'est pour ça que Dieu est obligé d'intervenir pour le convaincre, pour le persuader, pour le soumettre, pour l'obliger. Attention. Il ne s'agit pas de sa volonté, mais il s'agit de la volonté de celui qui appelle. Voilà pourquoi Pascal Paul écrit, Paul apôtre, Paul, par la volonté de qui? Jamais il n'a dit par sa volonté. Ou par ma volonté. Paul! Paul, apôtre de Jésus-Christ, Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Ephésiens 1, verset 1. Et dans les sermons, notre position en Christ, prêché par le prophète William Branham en 1951, il a repris ce passage-là. C'est là, Ephésiens 1, verset 1. Et il a fait une pause pour dire, quand il a lu Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Dans la tangi, Paolo, Thomas, Jésus-Christ, nous en voulons encore comme ça aujourd'hui. Des gens, non pas qui viennent se dire apôtres, mais des gens qui suivent doivent être apôtres, que ce soit des apôtres par la volonté de Dieu. Et que la parole utilisée pour les tester nous confirme que ce sont les apôtres. Et c'est le conseil de la parole à condamner les apôtres. Et il dit, mais c'est le chef de Thomas. Qui dit, amen, là. Mes chers amis, comprenez cette chose. Il s'agit de salut de votre âme. Il n'est pas permis de jouer à ce sujet. Mettons-y tous les sérieux possibles. Soyons le plus correct possible à ce sujet. Nous appelons cette expérience de derrière le désert la chambre haute. Mais c'est aussi aux expériences de derrière le désert. Il s'agit de rencontrer Dieu face à face. Hein? Une expérience réelle. Non pas passer en sommeil sous forme de rêve. Et le sommeil du Dieu vivant qui traite avec vous pendant que vous êtes éveillés. Il était éveillé. Hier dans la chambre haute, il ne dormait pas. Il était éveillé. Quand j'étais assis sur le chemin de la mort, il ne dormait pas. Il était éveillé. Et Esaïe dans le temple, il ne dormait pas. Il était éveillé. Et tous les serviteurs, il ne dormait pas. Et c'est la même dès que nous voulons revivre. On ne raconte pas des histoires. Vous connaissez, on essaye de bricoler pour lui donner quand même un aspect de spiritualité. Non. On ne triche pas avec Dieu. On le fera au départ. Soyez honnêtes. On parle de former l'expérience. Ramenez-la plutôt à la parole. Que la parole vous dit si elle est juste ou fausse. Et c'est le fait de ce qui est seul. Amen. Il dit ceci. Oh, comme c'est ridicule ce soir de faire entrer les gens dans l'église juste par le baptême d'eau. Et l'inscription de l'argent dans le registre. Oh, nous avons besoin d'un réveil à l'ancien mode. D'un réveil à la Saint-Paul. Du Saint-Esprit de la Bible. Une fois de plus encore. En plein dans l'église. Et d'une vraie réunion à l'ancienne mode. Une expérience. Laissez-moi vous le répéter. Un songe n'est pas une expérience. Ne comprenez pas ça. Vous vous amenez un songe. Un songe n'est pas une expérience. Mais c'est quelque chose que vous avez rêvé. Pendant que vous dormez. Et bien des fois, il y a des choses folles et majeures. Et dans Zacharie chapitre 10, il est dit que les songes mentent par la témérité. Et le moment c'est Bandoto et Zalikokosa. Si quelqu'un vous raconte son songe, ça, tu pas et vous lui dites qu'on examine ça, mais lui ne veut pas qu'on examine. Il ne veut pas que ce soit l'office de Dieu. On ramène la parole, non, moi, c'est Dieu qui me parle de ce ça s'appelle la témérité. Quand il se montre téméraire, après la parole de Dieu, c'est la preuve que son songe est un mensonge. Un véritable songe, il se soumettra à l'épreuve. L'épreuve dit ensuite que c'est fort. Les croyants qui gagnent ce qu'ils gagnent. On ne peut pas faire accepter de force un songe. Comme vénère de Dieu. Ça ne n'existe pas. Les songes et les thérapies. Tout comme les idoles, le col avec tout cela trompe, nous avons témérité. Ne soyez jamais téméraire en matière de songes. Soyez visible, humble et souple. Nous avons que nous sommes songes faux, tout est sagéo. Tout le monde déjà le coupa. Mais ne venez pas toujours comme ça. Zwangi sakazamba ya bandoko na kati ya Biblia. Amen. So kiwa ndoe tolomezo kani na Biblia, wana loweza nzamba ya Biblia ya solonde huu. Amen. Ne verisez pas les choses. Amen. C'est pas ça ma grande beauté. Ne soyez pas tout excité. Oh, vous dites qu'on a une sorte. Tenez-vous tranquille. Vous allez finir. Parce que le diable aussi parle. Vous êtes Satan. Vous êtes un bon parle. Un démon avec le baka. Le diable montre des visions. Le diable montre aussi des songes. Tout songe ne vient pas de Dieu. Le fait qui vient de Dieu sera conforme à la parole. Car l'esprit de Christ. L'esprit de Christ. Les esprits insoumis, ce sont des démons. Mais nous voulons que vous tous, c'est un prix. Nous pas se soumettre à la parole. Et c'est mais tu en fous, allez, en tête. Ça veut dire que c'est les gens qui sont mis sur les gens. Mais ce sont des démons. Dans la tête, vous. Les esprits arrogants ne viennent pas de Dieu. Mais vous n'avez pas de Dieu. Mais vous n'avez pas de Dieu. Mais vous n'avez pas de Dieu. Parole de Dieu, oh non, mais parole, voilà, il faut que ça va bien. Est-ce que ça y a mot? Mais vous voulez quoi? Ouvrir la porte à nous pour faire entrer tout force des démons? Nous devons éprouver les esprits. Ils doivent être éprouvés. Hein? Le Brenham nous dit que quand une chose inhabituelle se déclare, il faut que cela soit mis en question. Ça doit être mis en question. C'est vrai, je vais lire ça dans un moment. Il faut une expérience. Après que vous avez fait une expérience, vous savez alors de quoi vous parlez. Et c'est alors que vous avez la foi. C'est clair pour tout le monde. Est-ce que chacun de nous voudrait vraiment ça? Au lieu de se laisser emballer, approchons-nous à la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Matthieu 4, verset 4. L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Moi j'aime ça pour toujours. J'aime vraiment ça pour toujours. Je ne veux pas que ça badine, je ne veux pas que ça tâtonne, je ne veux pas que ça hésite, mais je veux que ce soit la parole avec assurance. Dans le sermon, la divinité expliquée, prêché le 25 avril 1961, prenons le paragraphe 22 à 24, eh bien, Frère Branham dit ceci. Et bien sûr, c'est Paul qui parle ici. Là, on l'avait lu. Paul, on avait dit qu'on et nous tous, en tant que prédicateurs, nous aimons nous référer à lui. Nous croyons d'un même accord qu'il était l'apôtre pour l'église des nations. Et Dieu l'a appelé à être un témoin pour ceux des nations. Son ministère avait été mis en question. Êtes-vous là? Le ministère de Paul avait été mis en question. Et d'habitude, quand quelque chose d'inhabituel se déclare, c'est mis en question. Et tout dans ma case. D'habitude. Vous ne pouvez pas fuir cette étape-là. Et faire des naïfs. Il faut mettre les choses en question. Que les questions qui se posent reçoivent réponse. Et en définitive, la parole dit le dernier mot. Et que chaque croyant soit trouvé attaché à ce que la parole a dit en dernier lieu. Quand une chose inhabituelle, c'est clair. C'est mise en question. Et je pense que c'est tout à fait juste. Ça doit être mis en question. Et je pense que parfois, les pasteurs se méfient des choses qu'ils entendent. Et je pense qu'ils sont en droit de le faire. En effet, si je comprends la condition de mon pasteur, ça veut dire un berger. Et par conséquent, il est un homme qui nourrit ou qui conduit un groupe d'hommes et de femmes que le Saint-Esprit a confié à sa surveillance. C'est un pasteur. Il conduit un groupe d'hommes et de femmes que le Saint-Esprit a confié à sa surveillance. Et il a le droit de savoir quelle sorte de nourriture ses prédits reçoivent. Et d'où elle vient? Et où tu vois? Faites attention. Vous avez un démon, faites attention. Vous êtes sous surveillance. Si vous êtes brebis de la maison de Dieu, alors vous êtes une brebis sous surveillance. Donc vous Et que si il y a une perdition qui en découle. Et c'est ce qui dit les mots que j'ai. S'il y a un enfer qui en résultera, ce qui justement retombera sur votre tête. Dieu ne le demandera pas au pasteur, au berger qu'il a établi sur votre âme pour vous surveiller. Vous prenez des fascicules à gauche, vous prenez des articles à droite, vous prenez des vidéos ici et là-bas, des photos auxquelles vous êtes en train de dire les amens, non censurés, non examinés. Attention messieurs, attention. Il s'agit du salut de votre âme. L'âme dit veillez à la source des semences qui entrent dans votre âme. Ne faites pas entrer n'importe quoi. Vérifiez, contrôlez. Examinez toujours. C'est notre devoir à nous. Et comment d'accord avec nos pasteurs, monsieur. On fera ce travail d'examination. Même en ça, il n'y a pas de problème. C'est que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Et il a le droit de savoir quelles sont les montures. C'est prévu de soi. Et tout le bien. Je pense qu'il y a droit. Et si un pasteur ou quelquefois des gens avaient l'air d'être quelque peu méfiants, ils ont l'air d'être quelque peu méfiants. Ça ne devrait déranger personne. Ça ne devrait déranger personne. Quand on veut mettre quelque chose en question, il faut faire ça. Est-ce que c'est la parole? Mais c'est la parole. C'est ça, mes amis, là-bas. Ce n'est pas parce que tu n'es pas d'accord. Et là, c'est la parole, elle est la parole. Ça ne doit déranger personne. Ça devrait seulement créer du respect. Et dans le monde, pour un homme qui tient cette position. Il mettrait ça en question. Respectez-le d'avoir voulu mettre la chose en question. Et après tout, si vous n'êtes pas certain d'être aligné comme il faut, comment pouvez-vous jamais marcher par la foi? Vous marchez par la foi, vous devez être aligné comme il faut. Êtes-vous là? Alors, comment éprouver le ministère de la parole? D'abord, vous éprouvez le ministre. Vous allez comment ça Moussali. Le test du ministre lui-même, il a l'expérience surnaturel qui va terminer le feu. Parce que s'il n'a pas le baptême du Saint-Esprit, ça veut dire que pour commencer, il n'est même pas un chrétien. Et l'église dit Amen. Vous voulez parler du ministère, alors vous voulez confirmer le ministère en lui, alors que pour commencer, il n'est même pas un chrétien. Donc, c'est un incrédule, un païen. Ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit, sont en voie, ils sont à l'église, ils sont en voie de devenir chrétiens, mais ils ne sont pas encore des chrétiens. Sauf que vous avez quatre chrétiens, vous avez quatre intérêts, c'est pas comme un Christ, parce que vous avez un Christ aussi. Levez vers les doigts, vous parmi les pères, qui n'avez pas le baptême du Saint-Esprit. Vous avez un Christ, vous avez un Christ, vous avez un Christ, vous avez un Christ, vous avez un Christ. Levez bien les doigts. Vous avez un Christ, vous avez un Christ. C'est, comment ne pas les gros oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, comment ça m'a fait? Que Dieu te voit, non? Dans ma main, n'est-ce pas? Bah, eux, non, sauf ce monde-là. Marié, célibataire, jeune et vieux. Bah, dans ma chrétienté. Au Kangi? Yo, c'est au Kangi? C'est bon. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité en direct, hein? Oui, il était, bah, c'est le nom de son nom. Ma flanque à la Bible. Ça va pas ensemble, alléluia! Les histoires. L'on veut qu'on soutre un analyste, le bandit, qu'on gagne la Makuna. Nous devons nous dire la vérité ici. Et c'est que nous avons dit que nous sommes en train de mais ils peuvent être en voie de devenir. C'est ce que dit notre message. Dans le sermon, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il y a une grande différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Un chrétien n'est pas encore chrétien tant qu'il n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit. Il peut être seulement en voie de devenir un ministre. Mais il ministre, pour commencer, c'est même pas d'abord il va s'amener où? Sans concession, est-ce dans le royaume de Dieu, sans domicile fixe, peut-être salon, alors la canne d'un salon, chambre de salarié, et si qu'un repos est assez, son âme n'a pas encore de repos, c'est un salon. Adam salon. Êtes-vous là? C'est quoi, on vient de voir le panneau, gagne mon ministère, ministère ni au moins. Oh, comment on a compris la parole, il ne peut pas y avoir de ministère. Quand l'un dit ça, le temps que vous avez donné, ne vient pas me dire, mais le ministère, et les dons et les appels, les ressources à répandance, oui. Ma cabole, ma tombe, les ressources à répandance, vous pensez l'appel? On est là. Vous avez dit, parce que dit que Dieu est souverain. Mais vous avez dit, mais vous avez dit, on appelle la personne avant le bateau. Et puis, comme il y a un mot, il y a un mot, il y a un mot, il y a un mot. Lorsque son désastre était sur le chemin de Damas. Quand on s'en est fait, c'est que il a entendu l'appel de Dieu. Alors, quand il y a un mot, il y a mais où est-ce qu'il a reçu? C'est quand il est allé chez Ananias. Mais il a fait le chalapel. Dieu est sous la carte. Il peut lancer l'appel avant ou après. Quand Simon Pierre a eu l'appel. Pour me faire la brebis, Seigneur. Quand le Seigneur lui a dit, mes amis, mais ça c'est l'appel. Il lui a dit, restez à Jérusalem. Il ne pouvait pas exercer le ministère. Mais il dit, restez d'abord là. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Même si tu as déjà l'appel, mais avant d'exercer, il faut d'abord l'expérience de la chambre haute. L'expérience qui est derrière le désert. Complétez ça. Vous battez ça, si l'appel est venu avant, pas de problème. Mais nous sommes revenus au premier critère. Parce que ce qu'on vérifions le baptême du Seigneur. Il n'y en a pas. Appelle na yuwa na kote na Attends d'abord à Jérusalem. Retourne à Jérusalem. Jérusalem. Restez comme dans la chambre haute. C'est clair? C'est clair. Je suis le radis là-bas. Yes, quoi, il s'est fait rien. Restez les deux côtés. Restez là-bas. Jusqu'à ce qu'il ne reste. Ce n'est qu'après que vous pourrez faire le mouvement. Merci. Pourquoi ça? Il a dit dans Jean 15, verset 5. Je suis le seul que vous êtes dit de Sardin. Sans moi, ce qu'il a dit, vous ne pouvez rien faire. Et que vous les deux côtés. Il faut Christ en vous. Et ça veut dire que vous êtes dans la carte de la Christ entre vous parle de la carte de la Je parle pour les sœurs maintenant. Voilà. Si la parole de Madame Terespi, lève les doigts. Il me dit ça, j'y date, comment ça va, pour ce qu'on vous fait. Tombe là, vous savez clairement. Et vous les frères, regardez-les. Tombe là, vous savez mon nana. Et voilà, il y en a eu l'ongi d'ailleurs. Frère, vous les avez là-bas, regardez-y. Du côté des sœurs. Voyez-vous toutes ces sœurs ici. Otali, Madame Terespi, nous sommes là. Otali, Madame Terespi, marié et célibataire. Baba la nina, adulte et jeune. Bah, bilingue, baza ma chrétienne était. Amen. Merci. Merci. Vous avez retenu? Okami. Okami de l'Omiango. Baza ma chrétienne était. Baza la ma chrétienne était. Elle peut être en voie. Mais ils ne sont pas encore devenus. Parce que pour les devenir, il faut l'expérience, pas un rêve. L'expérience surnaturelle, avant ça, vous allez en amour bébé. Même résurrection d'entre les morts, les prophètes nous disent, il n'y a que ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit qui participeront à la résurrection d'entre les morts. Amen. Laissez-moi vous le dire en face. Amen. Arrêtez de vous flatter. Amen. Vous n'irez pas dans l'enlèvement. Parce que vous n'êtes pas encore prêt, vous n'êtes pas prêt. C'est bien la vérité de l'évangile. On confie en l'évangile. Et là, des fois, Patrice, il est toi, les électeurs. Peut se produire à tout moment. Okay. Okay. Même maintenant. Okay. Dieu peut me prendre ici. Et c'est parti. Okay. En pleine prédication, oui. Oui. Jésus a dit, des deux qui voudront me voler deux pas, l'une sera prise et l'autre les mon corps coquine. Les deux hommes seront dans un champ. L'un sera pris et l'autre les mon corps. Et le moulin. Et le champ, ce sont des activités. Donc quand l'aliment va se produire, il ne va pas attendre que tu termines l'activité que tu es en train de faire. Dans l'activité où tu... Il se prend, il est parti. Et les deux personnes qui seront dans un lit, l'un sera pris. Oh, les apprêts, c'est quand la nation pongé à Sigan. C'est cela. Et vous allez bon. Préparez-vous. Cherchez le Saint-Esprit. Au Sakanipé, il y a trop de cette église. Hein? Il est temps de te réveiller, de te ressaisir. Dans le contrôle, mon canapé, il peut au milieu. Ton âme est en danger, frère. Ne continue pas comme ça. Pourquoi ma bonne côté? À cette allure-là, tu vas de mon côté. Et parce que je t'avertis clairement, je te réveille de ton sang. Tu n'y arriveras pas si tu n'es pas poussé à bout. Et tu ne seras pas poussé à bout par une prédication de flatterie. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils. Parce que ça, vous savez, vous vous envoûtez et vous êtes toujours pipi de là. Hein? Vous êtes précis, allez vous voir. Vous allez voir la physicien et tout. À travers vos téléphones. Et vous, les disciples, consommateurs de l'esprit précis, les petits sont tôt. Vous en avez. Mais ça, quand même, va s'en faire du colo. Dans ma maman du colo, il n'y a pas de. Et vous prenez votre téléphone, vous voyez le téléphone, vous voyez. Détournez vos regards. Amen. Amen. Ne touchez à rien de pire à Dieu. Amen. Hypocrite. Vous la main, ça va la main, ça va prendre. On peut changer la camp. Tu manges quoi finalement? Ton âme et ton esprit, c'est lui. La colombe n'a pas de bile. Elle est pure. C'est ainsi qu'elle n'aime pas manger de poisson. Bon, parce que ça va l'étouffer. Ça fait la tuer. Elle n'a pas la matière qui tient le poisson. La colombe n'a pas ça. Quand il doit se laver, c'est toujours de l'eau propre. Ce qu'elle vient se coller, uniquement de l'eau pure. Ça va lui mettre la marée, mais il fait tout ce qui est de marée là. Oh non, ça va bien là. Le flac d'eau. Il y a des états. Il y a des vers de terre. Il ne peut jamais la coller au pôle de terre. Il ne peut pas la coller au pôle de terre. Il ne peut pas la coller au pôle de terre. Et soyez simple comme des colombes. Soyez doux comme des agneaux. Soyez pas rigide comme des agneaux. Soyez pas soyez comme des serpents. Et soyez simple comme des colombes. Au compliqué la vie, n'ayoté. Battez la spiritualité. Battez la si vous amenez à Amen. J'aime ça, hein? Amen. Alors nous devons nous parler en face de nous. L'enlèvement, ce n'est pas pour des fanatiques. L'inette, pour des exalités. Mais c'est pour les enfants de Dieu rachetés. Vivre de la parole de Dieu chaque jour. Nous disons amen. Christ a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il les a obligés d'attendre à Jérusalem. Même s'ils avaient déjà l'appel. Ils n'ont rien fait. Jusqu'à ce qu'ils soient remplis de la puissance d'eau. Luc 24. C'est indispensable. Il faut lire et river les coups. Luc chapitre 24. Tenons le verset 29. Et voici. Je dis. Très bien. Et voici. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la vie. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est amen. Amen. Et maintenant, au verset 52, pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Verset 53. Et il s'était continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Ont-ils prêché? Je vous demande, avez-vous dit qu'ils ont prêché? Non. Ont-ils donné des témoignages? Non. Il devait attendre d'être répété. Et c'est qu'il ne pouvait pas y aller tout nu. déshabillé dans le vêtement du Saint-Esprit. Ils allaient être vaincus. C'est ce que Prof Branham dit. Quand ils sont allés là dans la chambre haute, ils se sont enfermés là-bas. Que dire si peut-être 6 jours après, André ou Thomas se lèveraient et diraient, croyons seulement que l'homme a reçu. Hein. Ça ne peut pas traîner, il est silencieux. Dans le silence où Dieu ne dit rien, traînons seulement que l'homme a reçu. Et sortons pour exercer le ministère. Si ils avaient fait ça, ils n'auraient jamais eu de ministère. Malgré les témoignages d'appel. À ça que, s'ils avaient commis cette erreur-là, ce qui m'a dit, on est aux arbres depuis 6 jours, vraiment. Rien ne bouge. Et là, vous êtes là, hier, ça vous fait un discours quoi? Croyons seulement que nous l'avons déjà. Comprenons seulement que Dieu nous aime tellement. C'est le temps de consécration que nous avons pris ici. Que Dieu doit nous l'avoir déjà. Le Saint-Esprit ne vient pas. Ce n'est pas une conclusion personnelle. Mais quand il est venu, ils étaient tous réunis d'un seul accord. Dans la chambre haute. Tout à coup, la spontanéité du surnaturel. Ce n'était pas la force de la main humaine. Et voilà qu'il est au casque. La fabrication d'un homme. On ne dit pas qu'un prêtre est venu, il a tiré le pied. Il a dit aux gens, tirez la langue, je vais mettre le style là. Non, mais pas de gymnastique. Tout à coup, il le peint du ciel. Un bruit comme celui d'un pain impétueux. Par la grâce de Dieu, j'ai entendu le même bruit. Que je suis son fils. Que je ne crains ni épreuve ni rien. Je ne m'abandonnerai pas. Je ne changerai pas de conviction. Moi, je ne peux pas me quitter. Parce que lui, dans mon domaine, il est libre d'aller où il veut. C'est lui qui m'a rempli. C'est toi, ton fils, ta mère, qui m'a choisi. Il a dit, je ne t'adresserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. En ouvrant la Bible, tombe sur le passage d'Ésaïe. Il est écrit les mêmes mots. Je dois vous dire que l'auteur de la Bible vit à moi. L'auteur de cette Bible est réel. Il part à l'autre et il me connaît sur quel bon Dieu! Ça, c'est l'expérience l'expérience de la chambre haute. Tout à coup, il vient du ciel. Un bruit. C'était là. C'est vrai. Amen.